Chapitre 11e. Madame Trévenoc et ses filles causent gaiement près du feu. Il fait trop sombre pour travailler sans lumière et trop clair pour allumer la lampe. Nous sommes en décembre. M. Penrith fait son apparition à South Lane entre chien et loup. Il est venu à Londres, dit-il, à l'occasion d'une exposition de volailles et d'animaux gras, non pas qu'il porte un intérêt particulier à ces sortes de choses, mais à la requête d'un de ses amis du Cornouailles, qui est, lui, grand connaisseur et amateur. « C'est une excuse, dit Florence, qui vous épargnera mes reproches et mes railleries. Du reste, j'aurais dû savoir qu'un client de mon père ne pouvait avoir des goûts aussi naïfs. « Comment va, Monsieur Trévenoc ? » répartit son client. « Je suis arrivé hier soir seulement et je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. » La mère et les filles se jettent à la dérobée un regard significatif. Il y a 2 mois que Barbara et Florence ne sont allées chez leur père. « Il était en excellente santé la dernière fois que je l'ai vu, » dit Florence avec aplomb. M. Penrith, subjugué par la beauté de Barbara qu'il contemple avec une admiration passionnée, se borde à répondre quelques mots insignifiants aux questions que lui adresse Mme Trévenoc sans songer à entretenir la conversation. « Le Cornouailles doit être bien triste en ce moment de l'année, » dit Mme Trévenoc. « Nous avons souvent de la pluie, mais rarement de la neige. »« J'adore la pluie, » s'écrie Florence. « C'est frais et pur. » « À quelle distance êtes-vous de la mer ?»« 7 ou 8 milles. »« C'est trop loin pour s'y rendre à pied, à moins d'être un très bon marcheur. »« J'y vais de temps en temps. » »« Alors vous êtes un marcheur infatigable. » Mes ardoisières étant situées sur le chemin qui conduit à la mer, cela m'y mène naturellement. « Vous vous occupez de l'administration de vos ardoisières ?»« Mon frère Marc en a la direction. Il paye les ouvriers, tient les livres, c'est un excellent homme d'affaires. » Je ne sais vraiment pas ce que je deviendrais sans lui. J'ai horreur des plumes, de l'encre, du papier. Mais je n'aimerais pas que mes ardoisières fussent à la merci d'un étranger. Et votre sœur, ajoute Mme Trévenoc, qui croit qu'à la longue son interlocuteur mordra un peu à la conversation. Elle tient ma maison. Rebutée par l'insuccès de ses tentatives, Mme Trévenoc finit par offrir du thé à M. Penrith. Il est 9 heures lorsqu'il prend congé du trio féminin de la Villa des Roses. Avant de partir, il demande l'autorisation de renouveler sa visite pendant la semaine qu'il compte passer à Londres, autorisation que Mme Trévenoc lui accorde d'autant plus volontiers qu'elle espère toujours que l'admiration de M. Penrith pour Barbara finira par vaincre la froideur de cette dernière. Dès qu'il est parti, Barbara se lève brusquement et s'assied au piano. Ses doigts modulent une romance de Mendelssohn pleine de passion et de mélancolie. Florence s'approche de sa mère et dit « Je crains que cela ne puisse jamais réussir. » Il est clair que Barbara éprouve pour lui une antipathie manifeste. C'est inutile de vouloir lui faire épouser un homme aussi ennuyeux. Mais d'abord, qui sait s'il la demandera jamais? J'avais fait pour elle des rêves d'ambition. Une grande fortune, une grande position. Ah, qu'elle s'entendrait bien à tenir un salon. Ah, si le capitaine pouvait enfin lui devenir indifférent. Elle paraît plus calme depuis quelque temps. « Oui, à la surface, mais je suis sûr qu'elle conservera toujours le même amour au fond du cœur. »« Ne craignez rien, » dit Mme Trévenoc à Florence. « Je ne voudrais certes pas lui imposer un mari pour lequel elle ne saurait avoir que de l'éloignement. » Les jours se suivent et se ressemblent à South Lane. Le vent siffle, la pluie ruisselle sur les carreaux. Les visites de M. Penrith sont devenues quotidiennes. Il ne laisse échapper aucun moyen d'être agréable à Mme Trévenoc et à ses filles. Ce ne sont que loge sur loge, bouquet sur bouquet. Il est resté à Londres 4 semaines au lieu d'une, n'ayant d'autre raison de prolonger son séjour que le charme qui l'attire et le rive à South Lane. Enfin, la veille du jour fixé définitivement pour le départ de M. Penrith, Barbara reçoit de son père une lettre ainsi conçue. « Venez demain chez moi sans Florence. Il s'agit d'une affaire très importante. Votre père dévoué, Trévenoc. » « Sans Florence ?» s'écrie celle-ci avec indignation. « Comme je dois être touché de cette marque de confiance. »« Je n'ai plus à faire acte de chaperon. C'est à tes risques et périls, Barbara. »« Mais comment voulez-vous aller seule? C'est impossible, » dit Mme Trévenoc à Barbara. « Je m'établirai de planton dans le voisinage, » dit Florence. « Tout s'arrangera. Mais que peut-il avoir à te dire ?»« Ton bonheur est perdu pour moi, sans retour. C'est peut-être un héritage. C'est aussi invraisemblable que la pièce que nous avons vue hier soir. » Ah, si la vie ressemblait au 5e acte d'une pièce. « Mes enfants, votre père attend évidemment Barbara ce matin. Il faut partir. » Les deux sœurs se mettent en route, et en descendant d'omnibus, elles se donnent rendez-vous chez un pâtissier. Dès que Barbara arrive chez son père, M. Mulford, qui avait fait probablement le guet derrière un rideau, ouvre la porte et attache sur Barbara un regard inquisiteur qui semble vouloir lire jusqu'au fond de son âme. Il la conduit dans le cabinet de M. Trevenock, qui se lève et la reçoit avec une cordialité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Que vous êtes pâle, » dit M. Trevenock à sa fille. « Êtes-vous souffrante ?»« Non, mon père. Asseyez-vous. Et votre mère ? Elle va bien. Avez-vous reçu de récentes nouvelles de la famille ? Ma tante Sophie a écrit dernièrement à ma mère. » Barbara tourne et retourne son manchon de fausse loutre. M. Trevenock regarde ses ongles. « Très bien, ma chère enfant, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. »« Vraiment ?» Florence m'a dit que tout était rompu entre vous et le capitaine. Le capitaine Leland, c'est vrai, tout est fini entre nous. Tant mieux, s'écrie M. Trevenock. Suivant moi, c'eût été pour vous un déplorable mariage. Aujourd'hui, j'ai à vous faire part d'une communication très importante. Un homme d'une excellente famille, d'une immense fortune, m'a demandé votre main. Vous comprenez certainement de qui il s'agit. M. Penrath est venu me trouver dans l'après-midi. Il m'a déclaré que vous lui inspiriez une passion des plus vives et, emporté par un mouvement irrésistible de confiance et d'espoir, il m'a chargé de vous demander de changer votre nom de Trevenock pour celui de Penrath. Je ne dois pas taire ses généreuses intentions à votre égard. Si vous agréez ses vœux, il est résolu à vous faire don d'une terre dont le revenu annuel s'élève à 600 livres. Considérez que vous pourriez répandre l'aura pleinement sur votre mère et votre sœur, et vous passer en outre 1000 et 1000 fantaisies. Certaines insinuations me donnent aussi à penser qu'il serait disposé à vous léguer la plus grande partie de sa fortune. Si vous avez des enfants, c'est votre fils aîné, bien entendu, qui sera son héritier naturel. Je remets maintenant à votre conscience le soin de décider. » Barbara avait écouté en silence le discours de M. Trevenock, mais sans hésiter, elle répond « Je suis très reconnaissante à M. Penrath de ses généreuses intentions, mais je ne puis agréer ses vœux. »« Vous refusez ?» s'écrie M. Trevenock, sur le visage duquel la réponse de sa fille répand la surprise et la consternation. « Je refuse, » répond Barbara avec fermeté. « Quelle folie ! Songez-vous que vous refusez de passer de la pauvreté à la richesse, d'épouser un homme qui baiserait l'empreinte de vos pas ? Que vous refusez, écoutez bien ceci, de donner au lieu de recevoir ? Je ne sais si je m'abuse, mais je ne vois dans ce refus rien qui doive jamais exciter mes regrets. Je sens que je n'aimerai jamais M. Penrath. Qui vous parle de l'aimer ? Il ne s'agit pas d'un mariage d'inclination, mais de raison. Le dévouement, la fidélité, l'abnégation suffisent à garantir la vertu d'une femme élevée comme vous l'avez été. Je ne me marierai jamais dans de semblables conditions. Alors vous n'êtes qu'une égoïste. Il est des circonstances dans la vie où il faut savoir vaincre ses répugnances. La conscience d'avoir agi comme on le doit, tient-le de bonne heure, mais que vous importe ? Je me déclare prête à subir toutes les privations, plutôt que d'accepter cette opulence. Ah ! Surtout ne vous avisez pas maintenant de venir me demander de l'argent pour payer vos chapeaux et vos impositions. Je vous jette par la fenêtre, vous et votre sœur, si vous tentez jamais de faire un appel de fonds. Nous tâcherons de nous tirer d'affaire sans avoir recours à votre bourse. Sachez bien que je n'entends plus recevoir votre impertinente sœur. Ni ma mère, ni Florence, ni moi ne viendront dorénavant frapper à votre porte. Vous persistez dans votre résolution ? Oui. Car je ne puis faire que j'aime M. Penrath. » Après avoir prononcé ces derniers mots, Barbara, pâle comme la mort, descend l'escalier. M. Penrath, qui monte, lui prend les deux mains et lui dit en fixant sur elle son regard passionné « Vous venez de voir votre père. Il m'a transmis l'expression de vos vœux, mais je ne peux y répondre que par un refus. « Barbara, Barbara !» s'écrie M. Penrath. « Pourquoi prononcer si vite cet arrêt ?» Parce que ma résolution est inébranlable. Je ne puis me résoudre à ne pas espérer, car je vous aime, Barbara. Je vous aime, et j'ai foi dans mon amour pour triompher de votre résistance. Adieu, murmure faiblement Barbara, en retirant ses mains des mains de M. Penrath et en sentant ses lèvres effleurer ses doigts glacés.